Coucou. Tu veux voir mon 100 jeux vidéo fixe? Oh mon Dieu. Maintenant, écoutez-moi très attentivement. Salut et bienvenue à toi dans cette première chronique. 100 jeux vidéo fixe, c'est quoi? Un épisode, un jeu, traité en quelques minutes avec autant ou aussi peu de tact que Mère Nature m'en a doté à la naissance. Aujourd'hui, je te propose de te faire du bien en te faisant du mal. Un nouveau donjon vient d'ouvrir en ville et tu tombes à pic. On est convié à son inauguration. Here comes a new challenger. Tout aussi amical et clairvoyant que le charognard résident dans son écran d'accueil, Unworthy ne s'embarrasse pas de politesse. En guise de titre ou d'avertissement, le jeu s'adresse directement à son nouveau et jusque-là heureux possesseur en l'insultant. Car oui, encore peu aguerri, de cette quête tu seras sûrement indigne, Unworthy pour les anglophones. Et tes premières heures à la manette n'en feront qu'une douloureuse démonstration. À l'abri derrière ton écran 4K de nerd souffreteux, le souffle glacial de Ur va tout de même venir jusqu'à toi, te mettre les nerfs à vif et les pendules à l'heure du glas. Quant aux plus faibles, pleutres ou ignares, les yeux larmoyants iront se faire rembourser avant les fatidiques 2 heures de jeu, prétextant mille et un blâmes grotesques, rédiger la fierté et l'orgueil ensevelis sous la honte commune aux lâches. Il s'agit d'un soulight pixelisé à scrolling horizontal, le genre de train qui en cache systématiquement un autre ces dernières années. Mais là où ses petits copains ont tendance à lorgner clairement vers d'autres influences, pour n'en citer que quelques-uns, Volgar du côté de chez Rastan Saga, Slane chez Castlevania, Dead Cell chez Metroidvania et Dave du côté de chez Swan, le tout frais mais pas si frêle Unworthy, lui, malgré ce qu'il en dit dans sa présentation Steam, reste en grande partie fidèle à son daron de chez From Software. Pas comme la fifi préférée à son papounet, mais plutôt comme un bourreau à sa hache fraîchement ensanglantée. Tout y est ou presque, un peu comme dans le gargantuesque Salt and Sanctuary, les armes, les hôtels, les roulades, la lourdeur, les fessées, avec quand même une différence notable, ici pas de bouton de saut. Alors je te rassure, vu la qualité d'ensemble du jeu, on peut imaginer assez aisément que le gars, qui de plus est seul derrière cette œuvre, a le niveau nécessaire en programmation pour intégrer cette fonction s'il le souhaite. Mais si comme certains rédacteurs tu as du mal à l'entendre, c'est une revendication de sa part. En effet, Unworthy n'est pas un plateformeur de souche, les sauts de cabri et tous ces trucs de danseuse, notre héros les laisse aux frères en salopette, pire, aux joueurs de PES. Malgré tout, en grand amateur de tuyauterie qu'il est, son créneau, tel le grand Rocco, c'est la galipette. Et avec style, s'il vous plaît, c'est donc les bottines en peau de nubuck collection automne-hiver bien rivées au sol, que tu affronteras d'ignobles boss au pattern chiadé, que tu arpenteras les dédales d'un donjon 8 bits monochrome semblant pourtant moite et puant, au level design bien pensé. Le doigt sur la gâchette, toujours prêt à esquiver, amortir une chute temporisée, attaquer, mourir, apprendre de tes erreurs, recommencer. Et mourir à nouveau, lâcher un petit mot doux sur la peut-être sainte maman du développeur, puis recommencer parce que c'est bon, mon cochon. C'est le principe depuis que le monde est immonde et que le jeu est électronique. Mais à l'heure où le kid, qui passait ses après-midi devant sa NES, est maintenant grand, gras ou chauve et se nomme désormais geek, on appelle ça du die and retry. Bref, si comme moi tu veux montrer à la bête qu'elle avait sous-estimé tes tendances sadomasochistes, je te recommande chaudement ce titre. En attendant Death Gambit et peut-être Blasphemous, il y a largement de quoi faire saigner les pouces dans la souffrance et la bonne humeur. En résumé, cette progéniture légitime de Dark Souls, enfantée dans un recoin poisseux de l'abysse, est à mes yeux l'un de ses plus dignes héritiers 2D à ce jour. Je suis bluffé par le travail de l'homme orchestre Alexander Katzmanovic. Musique plutôt ambiante qui fonctionne très bien, idem pour les bruitages, game design bien huilé, réalisation graphique plutôt désuète puisque très rétro mais le tout vivant et immersif car joliment animé. Des environnements à l'atmosphère bien pesante comme la coutume l'exige et parfois bien inspiré. Quelques effets de transparence par-ci par-là, la traditionnelle brume épaisse en direct des meilleurs cimetières fleuris guide du routard 1666, de jolis parallaxes, etc. etc. L'ensemble fonctionne et le charme comme le chirurgien des mains opère. C'était 100 jeux vidéo fixe, merci à toi pour ces quelques minutes d'attention. Rendez-vous très bientôt sur 100jeuxvideofixe.com pour de nouvelles chroniques.